pour ajouter un dernier plat au menu, je pense que vous devez le connaître, mais en 2012, il y a eu Ranga Swani qui a fait une conférence TEDx qui s'appelait « Information is food ». Oui. Et c'est très intéressant. Ce qui est très bien, c'est que ce n'est pas présenté de la même façon que vous. Donc, ça apporte des choses nouvelles. Ouais. Merci. Il y a d'autres... Puis il y a aussi la malbouffe de René, qui est avec l'infobésité, tout ça. Il y a un designer qui a écrit un article qui s'appelle « Design is like a kebab ». Très intéressant aussi. Et lui s'attache à la qualité du kebab. Oui. Oui, à propos de tout à l'heure sur Facebook, et puis à la fin avec les affaires, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la bonne cuisine, c'est celle qui se vend bien, tout simplement? Ça peut être un point de vue. Là, on va rentrer dans des débats de responsabilité, d'éthique dans le design. Qu'est-ce que je cherche à faire avec mon travail? Est-ce que je veux vendre plus? Est-ce que je veux vendre mieux? Est-ce que je veux vendre bien à moins de gens? Est-ce que je veux essayer de vendre bien à plein de gens? Parce que peut-être qu'une agence qui ne montre pas ses vieux clients, c'est aussi une agence qui veut montrer qu'elle est dynamique. Ouais. Bah, nous, on le fait. D'accord. On essaie de renouveler la page avec la liste des clients. Puis on a aussi des vieux clients, il y a des clients qui sont là depuis 8 ans, qui renouvellent leur confiance chaque année. Moi je trouve que c'est ces clients-là qui valent aussi la peine, parce qu'une fois que la relation de confiance elle est établie, ben, on va un peu plus loin ensemble. Merci. Pour moi le vieux c'est pas synonyme de dynamique, parce que ces gens-là ils innovent aussi. Quelle idée vous avez derrière les agences qui ne montrent pas les vieux clients ? J'ai pas d'idée. Ah, parce que quand vous en avez parlé, je me suis posé la question parce que nous on le fait pas. D'accord. On a des vieux clients, on les met pas en avant. Et pourtant dans les projets, c'est souvent ceux qui ont envie de nouvelles choses et de plus de choses. Et puis comme on les connaît bien, on va plus vite aussi avec eux. OK. Merci. Puis dans les restaurants, je suis sûr que les têtes blanches elles sont chouchoutées parce qu'elles viennent 3 fois par semaine. Encore ? J'avais d'autres thèmes que j'ai pas traités, des idées, si ça peut vous donner des idées de questions. Ça, c'était par rapport à une remarque de ma mère qui engueule toujours mon père parce qu'il mange trop vite. Elle compare le temps qu'elle a passé à cuisiner au temps que lui met à manger. Est-ce que nous, on aura envie de mesurer d'abord l'appétit des gens avant de passer trop de temps à designer des choses? Ça m'énerve aussi. J'aime pas le terme user. Bon, c'est pas prêt de s'en aller, hein, mais... Ouais. Essayez d'appeler un restaurant, puis de réserver une table pour 4 utilisateurs. L'hygiène dans le design. Effectivement, une cuisine, ça doit être propre. Hein. Oui ? Vous pouvez creuser sur ce terme de user ? Ah ! À un moment donné, je pensais que c'était pour créer de la distance avec les gens pour qui on faisait le travail. Ah ouais ? Parce qu'effectivement, on leur donne un terme générique. Des fois, on leur donne des prénoms, parce qu'on a fait des personnages... Des fois, on leur donne des numéros. User numéro 124. Est-ce que c'est pour se voiler la face? Est-ce que c'est pour commencer à ignorer les gens? Est-ce que dans user experience, est-ce que c'est pas user experiment? Je comprends hein, l'intérêt d'avoir une approche un peu objective, scientifique, etc. On dit toujours que le design il devrait être centré utilisateur. Je préfère le terme de centré humain. La cuisine, vous la servez à des gens. Vos services, vos applications, vous les servez à des gens aussi, même s'ils sont anonymes en navigation privée, ou s'ils sont juste cachés derrière une adresse email, ou s'ils ont choisi un avatar de manga plutôt que leur vraie photo. Donc si je peux ne pas l'utiliser, je ne l'utilise pas, ce terme de user. Voilà. Oui. Oui. Et c'était super intéressant. L'analogie, je la trouve super productive. La première question qui me vient, malgré tout, enfin, pour moi, c'est toujours lié à toute analogie et quelles sont ses limites, en fait. Et c'est très ouvert comme question. J'ai pas de préconception, mais peut-être. On meurt plus vite si on boit pas d'eau, par exemple, l'eau c'est vraiment vital. La nourriture solide, c'est moins vital, mais c'est vital quand même. Et l'information, on sait qu'on en meurt. Enfin, l'information, peut-être à commencer par le toucher, Il y a des expériences qui ont été faites, hygiénistes, on ne touchait pas les bébés, ils finissaient par avoir des taux de mortalité très élevés parce qu'ils n'avaient pas l'information, mais ça vient un peu plus tard. Donc comment est-ce qu'on peut appliquer ça à l'analogie pour essayer de voir ses limites ou... Je ne sais pas. Je n'ai pas été arrêté dans ma réflexion. Enfin, je pense que je n'ai pas encore fait le tour de la question. L'analogie avec la boisson, je ne l'ai pas faite parce que... Déjà, je connais moins. Puis je vois d'autres limites avec les notions d'alcoolisme, de, comme tu disais, la déshydratation, etc., etc. Je ne voilà, suis pas assez bon là-dessus pour réfléchir. La limite de l'analogie avec la cuisine, il y en a. Il y en a certainement. Je veux bien en discuter avec toi après. Si tu as déjà des idées, ou si d'autres dans la salle en ont. Et après c'est fini, on passe à autre chose, que quand on produit du design, finalement, ça a tendance à devenir un peu plus dans le temps, et c'est peut-être ce qui fait que les usages en changent, etc. Je sais pas. Est-ce que tu fais des itérations? Comme un cuisinier, il va se remettre au fourneau tous les jours, servir le même plat sur sa carte qui dure 3 mois, des nouvelles personnes chaque jour. On se renouvelle aussi, hein. J'aimerais bien d'ailleurs que quelqu'un fasse une analogie avec la musique. Parce que c'est aussi le même principe de renouveler l'expérience chaque jour, de répéter, de s'améliorer. Pour la cuisine, je ne sais pas. Je vous dirai peut-être l'année prochaine. Yes. I've been fortunate to have a real-time translator next to me to get the highlights of your talk, and I really enjoyed it. But I want to push you to make some modifications to the metaphor of kitchen by stretching the boundaries of this organized system a little bit. Could you imagine, I mean, you did make some analogies to sort of non-conventional kitchens, and I want to ask you to react to two. And one is, I mean, there's this new farm-to-table movement, which says we want to have all local ingredients, understand where our ingredients came from. Mm-hmm. You mentioned a bit about that, but, I mean, to me, that means getting information architects back toward the business decisions that make, you know, that set the stage for the information architect. They're not at the latest part of the game. They're earlier in the process. That's the first thing. Second, imagine a cooking school where the customers are the people in the brigade. Is that a university? Is that the school of information architecture where the cooks are in the kitchen learning to cook? Just two metaphors to push on. Du coup, la première question, c'était est-ce que les architectes de l'information, ils devraient être impliqués dans le processus plutôt qu'ils le sont maintenant? L'analogie était que justement, on veut se concentrer plus sur l'origine de la nourriture. Enfin, le concept de ferme sur la table, ferme sur la table. Donc directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Donc là, la ferme, ce serait producteur de contenu. So the farm would be the business decisions that are driving the overall activity. Mm-hmm. The people making the decisions very early in the process about what should be done. Le décisionnaire. That's where the raw material of the design comes from. Le décisionnaire plutôt dans le processus de design. Peut-être que je prendrais une autre analogie des architectes du bâtiment. On sait qu'ils sont obligés d'être là au début des projets. Maybe we can compare this to the architects for buildings, we know that profession or that job quite well, and we cannot imagine an architect not being at the beginning of the project. Right. Yeah. And yet we let information architects get in line at the very end. Yeah. Okay. I'm going to build a tower that's, right. I don't know, 200 floors, but there is no architect at the beginning. Du coup, la deuxième question, c'était est-ce que les consommateurs devraient faire partie de la brigade dans le sens que c'est eux qui apprennent à cuisiner dans la cuisine? Oui. Est-ce que ça pourrait être comparable à une université? Ok, so today what we try to do is to include the clients in the design processes, meaning that we invite the client in the agency to spend some time for workshops. To work just close to the developers, to the designers, to understand what the process is. So that means that we may have some kind of university for clients. We invite from time to time users to test, but not we don't show them the process. Okay. Now what I meant was that, could you imagine, I mean, at my university, mm-hmm. where we teach information architecture. We bring in clients to help students do projects, but the goal of the project is to help the students, not the client in some sense. The client is secondary to the students almost. Mm-hmm. That's like a cooking school, mm-hmm. where you cook the food and the customers eat the food, but what really matters is how the cooks did. They're the ones that are trying to be taught. Mm-hmm. The focus is on the customer as the student cook, not on the customer who eats the food. Mm-hmm. Maybe I'm pushing this too hard. Yeah, maybe I need some time to process, to think about it. Okay. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, on peut applaudir Guillaume.